connu des femmes cannibales qui vous harassent d'amour illégal, qui le soir vous tenaillent car vous êtes de leurs entrailles. Elles donnent sans compter, vous reprennent sans hésiter, souhaiteraient peut-être vous abandonner mais pleurent quand vous partez. Elles sont de celles qui ne vivent plus pour elles, elles répondent à tous les appels, même les plus cruels. Mais attention, danger, elles ne savent qu'aimer, aimer jusqu'à vous dévorer, aimer pour aimer. Dieu, Dieu, que la vie est belle. Si par hasard, si par malheur, par chance ou par bonheur, une femme vous aime, Dieu, Dieu, que la vie est belle. Par hasard, si par malheur, par chance ou par bonheur, une femme vous aime. J'ai connu des femmes irrésistibles qui vous clouent la vie comme une cible, qui le soir vous encanaillent quand vous êtes dans leurs entrailles. Elles donnent sans compter, vous pardonnent sans hésiter, ne peuvent vous abandonner et pleurent quand vous partez. Elles sont de celles qui ne vivent plus pour elles. Elles comprennent toutes vos faiblesses, même les plus cruelles. Mais attention, danger, elles savent aimer, aimer jusqu'à vous espérer, aimer juste pour aimer. Dieu, Dieu, que la vie est belle. Si par hasard, si par malheur, par chance ou par bonheur, une femme vous aime. Dieu, Dieu, que la vie est belle. Si par hasard, si par malheur, par chance ou par bonheur, une femme vous aime. J'ai connu des femmes invincibles qui pointent la vie dans l'indicible. Dans le soir qui vous entaille, elles déposent la vie dans vos entrailles. Elles donnent pour oublier, vous pardonnent pour vous élever, ne peuvent vous abandonner et pleurent quand vous partez. Elles sont de celles qui ne vivent plus pour elles. Elles comprennent toutes vos ivresses, même les plus cruelles. Mais attention, danger, elles savent aimer, aimer jusqu'à vous laisser les quitter, aimer pour finir d'aimer. Dieu, Dieu, que la vie est belle. Par hasard, si par malheur, par chance ou par bonheur, une femme vous aime. Dieu, Dieu, que la vie est belle. Si par hasard, si par malheur, par chance ou par bonheur, une femme vous aime. Dieu, Dieu, que la vie est belle. Par hasard, si par malheur, par chance ou par bonheur, une femme vous aime. Dieu, Dieu, que la vie est belle. Si par hasard, si par malheur, par chance ou par bonheur, une femme vous aime.